Émilie a 33 ans. Mathieu a 15 ans. Jérémie a 21 ans. Aurore a 19 ans. Laetitia a 44 ans. Sébastien a 60 ans. Simon a 27 ans. Nathalie a 38 ans. Tom a 11 ans. Denis a 28 ans. Laura a 41 ans. Emma a 53 ans.